La Corée enregistre de grands succès aux travaux de relèvement dans les régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. On a reconstruit les chemins de fer pour arranger 65% des terres éboulées, rétablir 70% des rails et 35% des poteaux électriques pour les autobus. Ainsi, plusieurs tronçons des chemins de fer des régions sinistrées ont été rétablis. Les usines et entreprises relevant du ministère des chemins de fer, notamment le complexe de locomotives électriques Kim Jong-tae, l'usine des matériels ferroviaires de Chongjin, la fabrique des traverses en béton de Lahong, livrent dynamiquement la campagne pour produire des fils électriques et des scellements. Par ailleurs, les membres de la troupe de choc pour la construction de l'avenue de Myon, les troupes de choc de construction 618 et 922, qui sont engagés pour le relèvement de l'arrondissement de Musan, déploient de grands efforts. Ils ont déblayé des dizaines de mille mètres cubes de terre et de boue, rétabli des dizaines de kilomètres de route entre Musan et Rimgang, qui a été fort détruite. Ils ont achevé en un jour le creusement des fondations de plus de 110 maisons d'habitation et multiplient des succès chaque jour. Par ailleurs, le complexe minier de Musan a commencé à produire partiellement les minerais.